بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة et aux auditeurs et aux auditrices qui nous suivent sur la radio Bilal Al-Kini en collaboration avec le collectif Lil-Ilmi wal-Rahma. مرحبا بكم جميعا. Et qu'Allah vous récompense en main pour votre ponctualité, barakallahu fikum, pour les frères qui sont venus à l'heure annoncée, qui étaient présents à l'heure annoncée. Car c'est un point important lié à la quête du savoir, le fait d'être ponctuel. Car ça montre le respect que l'on a envers le savoir et envers l'adoration qu'est la quête du savoir. Le fait de venir à l'heure, de venir en avance, ça c'est l'idéal. Venir en avance, comme ça on a le temps de préparer ses notes, on a le temps de revoir ses notes, de revoir ses fawa'id, pouvoir réviser avec ses collègues, pouvoir maintenir la ukhuwa, entretenir des liens de fraternité, et ensuite être là avant que le professeur n'arrive ou avant que le professeur n'entame son cours. Ça montre que l'on donne de l'importance au savoir. Mais quant au fait d'arriver en retard à chaque cours, à moins d'avoir une excuse légitime à chaque fois, en général, on peut prendre cette disposition. Barakallahu fikum. Fajazakumullahu khairan wa marhaban bitullab al-ilm. Taïb, on va faire une révision de à peu près 13 points concernant l'essentiel de ce qui est à retenir du cours de la semaine dernière. Donc, dans le cours de la semaine dernière, on avait vu Sourate Al-Asr. Parce qu'on est toujours dans la Muqaddima. Et comme vous le savez, le livre Thalathatul Usul est constitué de 4 grandes parties. La Muqaddima qui est la partie introductive, le premier fondement qui est relatif à la connaissance d'Allah, le deuxième fondement qui est relatif à la connaissance de la religion de l'islam, et la quatrième et dernière partie qui est le Asl Thalith, le troisième fondement qui est concernant la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Munir al-Sa'di, parmi les mashayikh du Yémen, dans son explication de Thalathatul Usul, avait dit que cette introduction, c'est-à-dire ce que l'on est en train d'étudier, serait un rajout de ses élèves. C'est une opinion qui a été émise au sein des gens de science. Que ça aurait été un rajout ajouté par les élèves de Cheikh al-Islam à son livre « Les trois fondements ». Mais donc dans la Muqaddima, elle peut être fractionnée en trois parties. C'est-à-dire que l'introduction de ce livre, « Thalathatul Usul », cette introduction peut être divisée en trois parties. Nous sommes dans la première. La première tourne autour de quatre points. Al-ilm, al-amal, al-da'wa, al-sabr. C'est-à-dire donc la science, la mise en application, la da'wa et la patience. Mais on avait vu que Cheikh al-Islam, Mohammed, al-Tamimi, rahimahullah, avait abordé et mentionné ces quatre points et avait mentionné le dalil. Il avait mentionné la preuve. La preuve qui soutient ces quatre points. Taïb. Et donc on avait vu que c'était Sourate Al-Asr. Par Al-Asr, et on avait vu qu'Al-Asr, ça avait deux connotations possibles, que Cheikh Ubayd al-Jabir a mentionné. Il y en a d'autres interprétations, mais les deux interprétations qui avaient été abordées par Cheikh Ubayd, c'était le temps d'Al-Asr, et dans une autre interprétation, Ad-Dahr, c'est-à-dire la durée, le temps lui-même, le temps qui s'écoule, la temporalité, si vous voulez. Taïb. Et donc, on avait vu certains points. La première faïda que je voudrais que, si vous étiez absent, ou si vous avez raté, ou si vous n'avez pas noté, ce que je vais vous mentionner, notez-le. Barakallahu fikum. Donc, on avait vu par rapport à Sourate Al-Asr, Huruf Al-Qasam, premièrement. Huruf Al-Qasam, c'est-à-dire les lettres avec lesquelles on jure. En arabe, on jure avec trois lettres. Par exemple, lorsque l'on jure, on jure par Allah, et comme on l'avait vu, on ne doit jurer que par Allah, et Allah jure par ce qu'il veut. Mais donc il y a huruf al-qasam, donc les lettres avec lesquelles on jure. Waw, wabba, watta. Et Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, avait mentionné que le ba, lorsque l'on fait le serment en jurant, en utilisant la lettre ba, en disant billah, on fait précéder cette mention, ce serment, du verbe, soit avant, ou soit on le fait suivre du verbe. Par exemple, on va dire uqsimu billah. Je jure par Allah, oh, ou inversement, on le met après, billahi uqsim. Naam. Ça, c'était le premier point important par rapport à huruf al-qasam. Et fait partie de ce point important le fait de ne pas oublier qu'on ne doit jurer que par Allah. Parce que jurer par autre qu'Allah, c'est une forme de polythéisme mineur. Non, bien entendu, mais qui peut devenir majeur dans certains contextes, comme les ulémas l'ont expliqué. Deuxième point important qu'il fallait retenir du cours de la semaine dernière, c'est Al-Qasam en lui-même. C'est-à-dire qu'Allah a juré par Al-Asr, Wal-Asri, Taïeb. Et justement, on avait retenu que Al-Qasam, lorsqu'Allah jure, déjà, c'était un procédé d'emphase, c'est-à-dire que ça apporte de la force au discours que l'on a. Mais également, ça nous montre l'importance de ce par quoi Allah jure. L'importance de ce par quoi Allah jure. C'est-à-dire qu'Allah jure par des choses qui font partie de sa création, entre autres, et ce sont des choses qui ont une importance. Naam. Troisièmement, donc, Al-Muqsamu Bihi, donc on a vu Huruf Al-Qasam, on a vu Al-Qasam, on a vu Al-Muqsamu Bihi, donc Al-Muqsamu Bihi, c'est ce par quoi Allah jure. En l'occurrence ici, c'était Al-Asr. Et on avait vu qu'il y avait deux interprétations que Cheikh Ubayd al-Jabiri avait choisies. Soit c'était l'asr, c'est-à-dire le temps de l'asr, c'est-à-dire le temps qui commence à la fin du temps de dhuhr, et qui s'écoule et qui perdure et qui continue jusqu'à ce qu'arrive le temps d'El Maghrib. Taïeb. Et donc ce temps-là, c'est une des interprétations du terme l'asr, et l'autre interprétation, c'est que c'est le temps de façon générale. Le temps dans le sens de la temporalité, et non pas le temps dans le sens de la météo. Non. Ensuite, il y a Jawabul Qasam. Ça, c'est le quatrième élément bénéfique important qui était à retenir. Donc, Jawabul Qasam, c'est-à-dire, il y a le serment, le fait de jurer. Mais il y a ce par rapport à quoi on jure. C'est-à-dire, Allah a juré de quoi? Allah a juré par le temps. Mais Allah a juré par le temps par rapport à quoi? Innal insana lafi khusr. Certes, l'humanité est dans la perte. Et là, on avait vu que l'insan, là, ce n'était pas un être humain en particulier. Qui est visé. Al-Rajih, c'est que c'est l'humanité, l'homme avec un grand H. Taïb. Ensuite, on avait vu la corrélation qu'il y avait entre les parties de cette sourate et les différents points. C'est-à-dire que ces quatre points, que sont Al-Ilm, Al-Amal, Al-Da'wa, Al-Sabr, étaient prouvés par cette sourate. Et on avait vu chaque point où se trouvait sa preuve dans la sourate. Donc, on avait vu que Al-Ilm était soutenu, et la partie de la sourate qui servait d'argument pour Al-Ilm, c'était illa amanu, c'est-à-dire yani tout le monde est dans la perdition à l'exception de ceux qui ont cru. Comment on avait prouvé cela? En expliquant que la foi, elle nécessitait l'apprentissage, car tu dois apprendre et ensuite tu établis sur cet apprentissage ta foi. Non. Le deuxième point, al-amalu bih, c'était par rapport à la première partie de la sourate, wa amilu salihat, c'est-à-dire qui ont accompli les œuvres pieuses. Donc ça c'est clair, et on avait vu que l'œuvre pieuse, c'était quelque chose qui réunit deux caractéristiques fondamentales. La sincérité envers Allah dans l'accomplissement de cette œuvre pieuse et la conformité à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son accomplissement. Et également, j'ai oublié, on avait abordé un point important aussi concernant la foi, l'iman, juste avant. C'est-à-dire, l'iman, on avait vu que l'iman, il avait deux sens, le sens dans la linguistique et le sens dans le contexte religieux. Le sens dans la linguistique, c'est-à-dire que c'était at-tasdiq, le fait de croire à la véracité d'une chose, de croire qu'une chose est vraie. Et dans le contexte religieux, c'était cinq points. La foi, ça tourne autour de cinq points. C'est une croyance du cœur, une parole de la langue, une action des membres, et elle augmente avec l'obéissance envers Allah, et elle diminue avec la désobéissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, pour l'instant, on a vu à peu près 8 points. Le premier point, c'était huruf al-qasam, les lettres du serment. Deuxièmement, Al-Qasam en lui-même. Troisièmement, Al-Muqsamu Bihi, c'est-à-dire ce par quoi Allah a juré, en l'occurrence Al-Asr. Quatrième, Jawab Al-Qasam, ce par rapport à quoi Allah jure. Cinquièmement, les parties de la sourate qui correspondent aux 4 points. Bon, là, on va le finir, Inch'Allah. Et Ad-Da'watu Ilayh, le fait d'appeler à la vérité, c'est soutenu par la partie de la sourate, wa tawassaw bil haqq, c'est-à-dire le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité. Et concernant le sabr, ils s'enjoignent mutuellement l'endurance. Le sixième point, c'était la foi selon la linguistique, ça on l'a mentionné. Le septième point, c'était la foi selon le contexte religieux. Non. Là, la structure que je vous mentionne, c'est un résumé que j'ai fait. Ça ne suit pas exactement le résumé de l'ordre qui est abordé dans le cours d'hier. C'est dans un souci de concision, barakallahu fikum, et de récapitulatif concis. Ensuite, le huitième point, c'était que l'œuvre pieuse réunit en elle-même deux choses, le fait d'être sincère dans l'accomplissement de cette œuvre et le fait d'être conforme. Taïb, le neuvième point, Parmi les points importants que je voudrais que vous reteniez du cours de la semaine dernière, la patience dans la linguistique, c'est-à-dire as-sabr. As-sabr, on l'avait vu que c'était habsun nafs. C'était le habs ou le mana, le fait de se retenir, de se contenir. Et le dixième point, c'est la patience dans le contexte religieux. La patience dans le contexte religieux, Cheikh Obeid Al-Jaberi avait donné un exemple. Il avait défini cela par ce qu'on appelle ta'rif bil mithal, c'est-à-dire le fait de définir un concept par le fait de donner un exemple pour l'imager. Ça ne veut pas dire que c'est le seul exemple qui délimite ce concept, c'est juste que c'est quelque chose qui clarifie ce concept. Il avait donné l'exemple, le fait de ne pas déchirer ses vêtements, de ne pas s'arracher les cheveux, de ne pas déchirer les poches. C'est-à-dire, là, il faisait référence à quoi ? La manifestation de la patience qui est due lors du décès, du départ d'un être cher. Le fait de ne pas justement montrer des signes qui montrent que tu te courrouces face au décret d'Allah par le fait de t'arracher les cheveux, de te griffer le visage, de te déchirer les vêtements, de te déchirer les poches. Car ce sont des choses qui contreviennent et qui opposent la patience. Et on avait expliqué à cette occasion que le fait de pleurer lors de la mort d'un défunt, il y en a d'un de nos proches, d'un de nos bien-aimés, ceci n'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été vu en train de pleurer lorsqu'il portait la dépouille de son défunt fils, Ibrahim, radiallahu anhu. Le onzième point important que je voudrais que vous reteniez, c'est les trois types de patience. Les trois types de patience. On avait vu qu'il y avait la patience sur l'obéissance d'Allah, la patience face à la désobéissance d'Allah et la patience face à ce qu'Allah a prédestiné. Donc, dans ce point-là, il y a trois sous-points. La patience sur l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire le fait d'être constamment obéissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième aspect, c'est la patience face à la désobéissance d'Allah, dans le fait de s'en écarter, de s'en prémunir et de ne pas l'accomplir. Le troisième aspect, c'était le fait de patienter vis-à-vis de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a prédestiné parmi les choses pénibles à supporter, comme la maladie ou la perte d'un être cher, mathala. La douzième fa'ida, c'était que la patience était par rapport à la foi comme la tête est par rapport au corps. C'est-à-dire que la patience a une place pivot par rapport à la foi. Le treizième point, et le dernier point bénéfique de ce récapitulatif que j'ai préparé pour aujourd'hui, c'est que la patience a été mentionnée plus de 80 fois dans le Coran. Donc on tire de cela l'importance de la patience. Et je prends l'occasion de corriger, parce qu'un frère m'a notifié d'une erreur que j'ai dite, que j'ai prononcé dans le cours de la semaine dernière. J'avais dit que Cheikh Ibn Baz avait dit que la sagesse, que s'il fallait avoir de la sagesse dans la religion, car si on n'avait pas de sagesse, on va tomber dans un interdit, on va délaisser une obligation. J'ai dit la sagesse alors qu'en fait c'est un lapsus. J'ai voulu dire la patience. C'était une erreur vis-à-vis de laquelle un de mes bien-aimés m'avait fait une notification. Fajazallahu anni khairan. Donc je prends l'occasion ici pour corriger mon erreur de la semaine dernière. Ce qui était voulu, c'était une faïda de Cheikh Abdelaziz ibn Baz dans son explication de Thalathat al-Usul, dans laquelle il avait expliqué que la patience était nécessaire dans la religion et que sans patience, soit on va délaisser une obligation, soit on va commettre un interdit. Taïb, ceci étant dit, on peut passer à la nouvelle matière bi-idhnillahi azzawajal dans le kitab. C'est-à-dire qu'on va reprendre dans Thalathat al-Usul bi-idhnillahi azzawajal afin de profiter des sagesses et des explications du noble Cheikh, le défunt Cheikh Obeid ibn Abdillah al-Jabiri, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Donc, il me semble qu'il me restait encore un paragraphe à finir, bi-idhnillahi azzawajal, dans cette section, avant de passer au point suivant. Donc on est arrivé, on est à la page 28, sur le support PDF que j'ai. Juste deux secondes que je prenne en capture d'écran le livre pour ne pas perdre. Quelques secondes, le smartphone. Donc, après ce modeste récapitulatif, on aborde à présent la nouvelle matière. Donc, Cheikh Ubaid al-Jabiri, rahimahullah, je vais de nouveau parler un peu arabe aujourd'hui, inshallah, parce que je n'ai pas préparé une traduction écrite, donc je vais faire une traduction orale, inshallah, ta'ala. Car j'ai été très occupé, étant donné que le week-end, je donne des cours et en même temps, je prends des cours dans le Merkez Ibn al-Qayyim. Tayyib. Cheikh Ubaid al-Jabiri dit: Wa hadhihi al-masa'il al-arba'a hiya maratibu jihadi al-nafsi fal-insanu yujahidu nafsa. Donc, ça, c'est quatre choses, c'est-à-dire le fait d'apprendre. Le fait d'appliquer, le fait d'appeler, le fait d'endurer, de patienter, ça fait partie des degrés, des étapes et des niveaux de la lutte contre sa propre âme, c'est-à-dire de la lutte contre soi-même, le fait de s'efforcer. Il dit awwalan ala ma'rifatil huda wa dinil haqq. La première étape, le premier degré de la lutte contre soi-même, c'est le fait de lutter contre soi-même pour forcer son âme à apprendre la guidance, à connaître la guidance et la religion de vérité. Et que ceci est la cause du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et en proportion, en fait, plus la personne va lui échapper, il y en a une part de la connaissance, de la guidance et de la religion de vérité, en proportion de ce qui va lui échapper comme connaissance de ces choses-là, alors en proportion, lui échappera une part du bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. En gros, ce qui doit être retenu, c'est que plus tu connais la guidance et tu connais la religion de vérité, plus tu concrétiseras le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Taïb. Le deuxième niveau, le deuxième degré de la lutte contre soi-même, c'est-à-dire ثانياً العمل بما علمه الله من الهدى ودين الحق حتى لا يكون العلم حجة عليه. C'est-à-dire le fait de mettre en application, de pratiquer ce qu'Allah lui a enseigné comme guidance et comme religion de vérité jusqu'à ce que la science ne soit pas une preuve contre lui. J'ouvre ici une parenthèse. Ça, c'est un point très important. Et on en avait parlé lorsqu'on en avait abordé le point de Al-Amal Obé. Comme les Sahaba, qui se rappelle, qui est le compagnon qui avait décrit la méthodologie des Sahaba? Il disait, nous ne dépassions pas 10 versets de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tant que nous n'en ayons étudié les sens et que nous ne les ayons mis en application. Qui est le sahabi qui avait dit ça? Est-ce que vous vous rappelez? Abdullah ibn Mas'ud. Combien de sourates il avait apprises de la bouche du messager d'Allah? 50. 70. Taïb, sallallahu ilayk. Jazakallah khairan, ya bajunayk. Allah yafadak. Taïb. Donc, jusqu'à hatta la yakuna al-ilmu hujjatan alayh. Donc, après avoir appris, il lutte, il fait des efforts pour concrétiser et mettre en pratique ce qu'il a appris de façon à ce que la science ne soit pas une preuve contre lui. Car justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. C'est-à-dire que le Qur'an est une preuve en ta faveur ou en ta défaveur. Et Allah azzawajal a critiqué ceux qui ont connaissance de la révélation, mais qui ne concrétisent pas dans leur vie, yani ce que implique la révélation. Sachant que quand Allah Azza wa Jalla a dit, yani en parlant à Yahya, alayhi salam, خذ الكتاب بقوة, c'est-à-dire yani prend le livre avec force. Qu'est-ce qu'il a voulu? L'imam al-Sa'di, rahimahullah, l'a expliqué, et cette recommandation, yani s'applique à nous, dans le sens où خذ الكتاب بقوة. Ça envoie à trois choses. Le fait de mémoriser le livre, de méditer le livre et de mettre en pratique le livre. Et ça, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen a expliqué dans son livre Usulun fi Tafsir, certains fondements dans le sujet du tafsir, avait expliqué que le Coran a été révélé par rapport à ces trois objectifs. Pour être lu, pour être médité, pour être appliqué. Non. Je reviens à propos de Cheikh Ubaid. دي ثالثا دعوة الناس إلى ما من الله به عليه من الهدى ودين الحق. Donc la troisième étape, le troisième degré de la lutte contre sa propre personne, c'est-à-dire le fait de s'efforcer à appeler les gens à ce que Allah lui a accordé comme guidance et comme religion de vérité. لأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور تابعيه. Ça c'est un point important. Le fait que quiconque appelle à une guidance, il aura alors la récompense de ceux qui le suivront dans cela. وَلَا يَنْقُسُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا كَمَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ دَعَ إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُسُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. Et ça, ce hadith, il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. C'est-à-dire que Cheikh Obeid al-Jabiri a expliqué que quiconque appelle à une guidance, il aura la récompense de ceux qui vont l'imiter, qui vont le suivre dans cette guidance. Et sans que leur rétribution individuelle n'en soit diminuée en quoi que ce soit. C'est-à-dire, toi, tu appelles à une guidance, 5 personnes te suivent. C'est-à-dire, 5 personnes suivent la guidance que tu leur as transmise, qui vient du Coran et de la Sunna, et ou de la Sunna, et qui mettent en pratique cette chose-là. Eux, ils vont avoir la récompense d'avoir œuvré en conformité à la guidance et à la vérité. Tu as la même récompense que eux, sans que leur récompense n'en soit diminuée. C'est-à-dire, tu as ta récompense de ton œuvre, la récompense de leurs œuvres, sans que leur récompense n'en soit diminuée. Mais tu as la même récompense qu'eux aussi qui s'ajoute à ta récompense initiale. Ça, c'est adhim. C'est-à-dire que la da'wah, le fait d'enseigner, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut d'abord apprendre. Et on va le voir. Il faut d'abord apprendre jusqu'à être qualifié pour pouvoir enseigner. Mais la personne qui a fait l'effort d'apprendre, qui a fait l'effort d'appliquer, qui a fait l'effort d'appeler à Allah et d'enseigner, la récompense qui en découle est adhim. Et donc, il a mentionné le hadith qui est rapporté par Abu Huraira et qui est dans le Sahih d'Al-Imam Muslim, dans lequel il est mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque appelle à une guidance aura la récompense de ceux, une récompense similaire à celle de ceux qui l'auront suivi, sans que leur récompense individuelle en soit diminuée en quoi que ce soit. Et quiconque aura appelé à un égarement, alors il aura le fardeau du péché de ceux qui l'auront suivi dans cela, sans que leur fardeau respectif n'en soit diminué en quoi que ce soit. » Ça, c'est également l'inverse. Si tu appelles à un égarement, ceux qui t'auront suivi dans cet égarement, ils auront le fardeau de leur péché, et toi tu auras le même fardeau qui s'ajoute à ton fardeau initial, sans que leur fardeau à eux n'en soit diminué en quoi que ce soit. Ensuite, le quatrième et dernier niveau des degrés de la lutte contre sa propre âme, contre sa propre personne, dans le fait de faire des efforts dans la religion, c'est « sabruhu ala ma yusibuhu ala fi hadha sabil » le fait, l'endurance, la patience dont il fait preuve, face aux répercussions ou aux difficultés qui l'atteignent, qui l'affectent dans ce chemin, c'est-à-dire dans le chemin de l'appel à Allah. Ta'siyan bi Rasulillah, ça c'est un point important également. Prenant en exemple le messager d'Allah, car des fois certaines personnes lorsqu'elles appellent au khair, que ce soit dans leur famille, que ce soit auprès de leurs amis, à la moindre moquerie, au moindre rabaissement, à la moindre insulte, ils arrêtent. Mais il faut regarder comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a patienté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été... Regardez sa situation avant la prophétie et après la prophétie, vous verrez qu'il a patienté. Avant la prophétie, là j'ouvre une parenthèse, avant la prophétie, il était connu comme étant As-Sadiq al-Amin, c'est-à-dire As-Sadiq, le véridique, Al-Amin, le digne de confiance. Il fait partie de Quraysh, et dans les Quraysh c'est une tribu de noblesse parmi les Arabes. Et parmi les tribus de Quraysh, il fait partie des Banu Hashim. Donc il fait partie d'une lignée de noblesse respectée. Il était un commerçant prospère, marié à une femme prospère, qui était une riche commerçante, Khadija bint Khuwaylid. Il était prospère, alayhi salatu wasalam. Et il était respecté dans son peuple. Mais après avoir commencé à appeler au tawhid, ne demandant pas de l'argent aux gens, ne demandant pas aux gens de renoncer à leurs biens pour qu'ils les obtiennent, non, il leur demandait de vouer un culte exclusif à Allah. Ya ayyuhan nas, qulou la ilaha illallah tuflihu. Oh vous les gens, dites nulle divinité n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah, vous réussirez. Voilà le message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez qu'est-ce qui lui est arrivé. Ils l'ont insulté, ils l'ont dénigré, ils ont comploté pour le tuer, ils ont fait des batailles dans lesquelles ils ont combattu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était un des leurs. Et qu'il les appelait à la salvation. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la personne qui appelle à la droiture, qui incite à la droiture dans sa famille, c'est-à-dire auprès de son épouse, de ses enfants, ou auprès de sa famille par rapport à ses parents, ses frères et ses sœurs, ou même de façon générale, il devra faire preuve de patience. On n'a jamais dit que ce serait facile. La grande récompense de la da'wah est liée aussi à une grande difficulté. Non. Donc, si yen bi rasulillahi sallam, donc prenons en exemple le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa man mada qablahu min an-nabiyyin wal mursalin, et en prenant comme exemple ceux qui l'ont précédé, qui sont passés avant lui parmi les prophètes et les messagers. Alayhi sallatu wa sallam. Et ومن جاء بعد النبينا صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأئمة الهدى إلى اليوم. Et en prenant comme exemple également les Sahaba, car les Sahaba ont été patients et ont enduré dans la da'wa. Et rendez-vous compte, la majorité d'entre vous, wallahu alam, vous êtes soit du Maroc soit d'Algérie, parmi les frères que je vois, Allah yahfazkum jami'an. Vos pays étaient sur la kufr et la mécréance. Qui a été la cause de l'islam de vos nations, qui fait que vos nations, vous avez la fierté d'appartenir à des nations qui sont musulmanes et d'appartenir à des familles qui sont depuis des générations musulmanes? C'est par la cause des sahabas. Et qui ont enduré, qui ont patienté, qui ont voyagé et qui ont transmis l'islam dans les nations. Et vos nations, maintenant, peuvent se targuer d'être des nations sur l'islam. Walillah alhamd. Qu'Allah préserve les pays musulmans. Taïb. Minas sahabati wa a'imati al-huda ila al-yawm. Yani donc, prenons en exemple les sahabas ainsi que les imams qui sont sur la guidance jusqu'à nos jours. Et Cheikh Obed al-Jabedi a apporté un point, une précision importante. Il dit wa laysa al-muslimu qasiran hammahu ala hidayati an-nasi ala yaday. C'est-à-dire que le musulman ne doit pas faire de sa focalisation que les gens soient guidés par son intermédiaire à lui uniquement. Que ce soit sa focalisation. Mais donc sa préoccupation doit être la transmission de la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, du message. Et qu'Allah il va secourir sa religion. Imma ala yadeh, soit ça se fera par sa cause à lui, de par son intermédiaire. Ou ala yadeh man ya'ti ba'dah, ou ça se fera par l'intermédiaire de quelqu'un qui viendra après lui. يعني أما أن يقصر همه على هداية الناس على يدي يعني على يدي دون أن يفكر في العواقب فهذا خطأ وقصور. Il dit mais quant au fait que la personne elle soit omnubilée ou soit obsédée par le fait que les gens doivent être guidés par son intermédiaire uniquement, qu'il soit focalisé sur cette chose-là sans qu'il ne pense aux conséquences néfastes qui pourront découler de ses agissements, alors ceci est une erreur et ça fait partie des manquements. Ensuite on en vient à la parole de l'imam Ash-Shafi'i. Donc dans le livre Thalathat al-Usul, on a abordé les quatre points. Al-ilm, al-amal, al-da'wa, al-sabr. Puis on a vu la preuve de ces quatre points, qui soutient ces quatre points. Surat al-Asr. Taïeb. Maintenant, on va voir la parole dans laquelle l'imam al-Shafi'i, qui est un imam de la sunna, pour la fa'ida, l'imam al-Shafi'i, sa kunya et Abu Abdillah. Je vais vous donner les quatre imams, tant qu'à faire. De façon chronologique, le premier imam dans les quatre imams des quatre madahib, là c'est une parenthèse que j'ouvre, ce n'est pas des paroles à affilier à Cheikh Obeid, rahimahullah. Donc c'est Abu Hanifa, yani Nu'man ibn Thabit, radiallahu anhu, rahimahullah, excusez-moi. Donc Abu Hanifa. Ensuite, le deuxième imam chronologiquement parlant, c'est Abu Abdillah Malik ibn Anas. Abu Abdillah Malik ibn Anas. Imam Dar al-Hijra, c'est-à-dire que c'était un grand savant de la ville de Médine, rahimahullah. Ensuite, l'élève qui a appris avec lui, c'est l'imam al-Shafi'i, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Il a mémorisé le Muwatta de l'imam Malik à 9 ans, et il a commencé à étudier avec l'imam Malik à 13 ans. La première assise qu'il a eue avec l'imam Malik, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est lorsque l'imam al-Shafi'i avait 13 ans. Rahimahumullah. Et donc, l'imam al-Shafi'i est donc l'élève de l'imam Malik. Il s'appelle Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Il est né en 150 de l'Hégire, il est mort en 204. Donc, il a vécu 54 ans. Rahimahumullah. Taïb. Et donc, son élève, le dernier des quatre imams, qui est l'élève de l'imam al-Shafi'i, c'est Abu Abdillah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal. Des fois, vous entendrez Ahmed ibn Hanbal. Il est permis de mentionner directement son grand-père. Ce n'est pas un problème de mentionner l'affiliation à un de ses ancêtres. Comme par exemple ce qui est fait avec l'imam, yani Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Naam. Taïb. Et donc, Abu Abdillah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal. Taïb. Je reviens au propos de Cheikh Obeid. Donc, déjà, on va commencer avec la parole de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans laquelle il mentionne, rahimahullah, la parole de l'imam al-Shafi'i. Sa parole est la suivante. Le Cheikh al-Islam dit, Cheikh Ubayd al-Jabari dit, قال المصنف, donc l'auteur dit, قال الشافعي رحمه الله تعالى, donc l'imam al-Shafi'i رحمه الله dit, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه سورة لكفتهم. Donc si Allah, c'est un commentaire de Sourate al-Asr, si Allah n'avait révélé que cette sourate en tant que preuve, yani à l'égard de sa création, alors ceci leur aurait été suffisant. C'est-à-dire pour ces créatures. Taïb. Cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah, aborde un point concernant l'affiliation de cette parole-là à l'imam al-Shafi'i. Certains ulama ont dit qu'il y avait des choses à redire. Donc Cheikh Ubayd al-Jabri dit « هذا القول بعد ما شيخنا يرى في نسبته إلى الشافعي نظر » C'est-à-dire qu'il considère, qu'il a rapporté que certains de ses ulama, certains de ses chouyours, vois qu'il y a quelque chose à redire quant à la filiation de cette parole à l'imam Shafi'i. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est vraiment affiliable à Shafi'i ou pas? Il dit وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِي. Il a dit cette citation-là, cette parole-là telle qu'elle, il a dit je ne l'ai trouvée dans aucun livre parmi les livres de l'imam Shafi'i. مَعَ أَنَّ الْبَحْثَ قَلِيلٌ. Cependant, il fait allusion au fait que la recherche qu'il a accomplie fut modeste. La recherche qu'il a accomplie fut modeste. Non. Et en bas de page, en annotation de bas de page, il est mentionné que ذَكَرَ الْحَافِظِ ابْنُ كَثِيرٍ هَذَا الْأَثَرَ عَنِ الشَّافِعِي بِاللَّفْظِ لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةَ لَوَاسِعَتْهُمْ. C'est-à-dire que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a mentionné la narration de l'imam al-Shafi'i en commentaire de, vis-à-vis de Surat al-Asr, mais avec une formulation légèrement différente, qui est « Si les gens avaient médité sur cette sourate, elle leur aurait été suffisant. » Donc, revenons au propos de Sheikh Ubaid. Sheikh Ubaid al-Jabri, il dit « وَحُجَّةُ اللَّهِ قَامَتْ عَلَى الْخَلْقِ بِغَيْرِ هَذِهِ سُورَةَ. Il dit « La preuve d'Allah a été établie sur la création par autre que cette sourate. » وعلى فرض صحة هذا القول عن الشافعي. Il dit, si on en prendrait, on considérait que cette parole est bel et bien une parole authentiquement affiliée et affiliable à l'imam al-Shafi'i, فإن هذه السورة على قصر لفظها فقد اشتملت على معاني الواسعة. Mais cette sourate, bien qu'elle soit concise dans ses propos, c'est-à-dire qu'elle est courte quant aux propos qu'elle contient, elle contient des sens vastes. Et soyez attentifs concernant la parole de l'imam Al-Uthaymeen que Cheikh Ubaid al-Jabri a rapporté. Il dit وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخ مُحَمَّدِ بْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهِ مُرَادُهُ رَحِمَهُ اللَّهِ أَنَّ هَذِهِ سُورَةَ كَافِيَةً لِلْخَلْقِ فِي الْحَثِّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِالدِّينِ اللَّهِ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَصَبْرِ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّ هَذِهِ سُورَةَ كَافِيَةً لِلْخَلْقِ فِي جَمِيعِ الشَّرِيعَةِ. Donc ça, c'est une très bonne explication de la parole de l'imam al-Shafi'i par Cheikh al-Uthaymeen. Il dit que l'objectif de l'imam al-Shafi'i par son propos, c'est que cette sourate, c'est-à-dire sourate al-Asr, est suffisante pour la création, en tant que, pour les créatures, en tant qu'incitation quant au fait de se cramponner à la religion d'Allah par la foi, par l'œuvre pieuse, par le fait d'appeler à Allah et le fait de patienter sur cela. Et ce n'est pas l'objectif dans ses propos. Il ne vise pas, il n'avait pas comme intention derrière ses propos de dire que cette sourate était suffisante pour les créatures en tant que législation. C'est-à-dire dans un point de vue législatif. Parce que comment tu vas faire la prière avec sourate al-Asr? Elle ne te décrit pas la prière. Le wudu, le rosl, la zakat, le hajj, le somme de Ramadan. Donc ce qui est voulu, c'est que c'est suffisant comme incitation quand on fait de se cramponner à la religion de l'islam par le fait d'avoir la foi, d'œuvrer pieusement, d'appeler à Allah Azzawajal et d'endurer. Naam. Ensuite, Cheikh Ubaid al-Jabri dit Qultu, donc, ma tadamanatu as-sura min al-ma'ani. Donc, il dit et cette sourate, qu'est-ce qu'elle contient comme sens et comme connotation? Il y en a comme, parmi les éléments qu'il a mentionnés, min husni al-aqibati li ahli al-iman. Donc, ce qu'elle contient, c'est la mention de la bonne fin qui attend les gens de la foi. Qu'Allah m'accorde une bonne fin ainsi qu'à vous. Et qu'Allah m'accorde de mourir. Ainsi qu'à vous, yani de mourir sur la foi du prophète Mohammed, la même foi que lui, le même dogme, et la même religion. Donc, le fait que dans cette sourate, il y ait fait mention de la bonne fin qui attend les adeptes de la foi, les croyants. Et l'avertissement quant à la mauvaise fin qui attend ceux qui ne sont pas des leurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du nombre des croyants. Kama anna fiha tanwih bid-du'a. Et il y a dans cette sourate l'éloge, une allusion élogieuse quant à ceux qui appellent à Allah avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science. Et du fait qu'ils sont distincts, ils sont différents des autres. Et ceci, étant donné du fait qu'ils s'enjoignent mutuellement à la vérité. Et ils n'agissent pas de manière outrancière, de manière transgressive, en dépassant les limites, à l'image de, contrairement à ce que font les groupes sectaires déviants. Il y a une annotation de bas de page de la page précédente que j'ai oublié de traduire et que j'aimerais vous traduire parce que c'est une faïda que vous pourrez mettre en pratique, qui a été rajoutée donc dans le livre de Cheikh Ubaid. Il a été rajouté وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ هَذِهِ سُورَةٌ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ. Donc parmi ce qui montre la noblesse et la vertu de cette sourate, ce qui a été rapporté par l'imam al-Tabarani dans son livre al-Awsat. Et donc il est rapporté que يعني عن أبي المدينة الدارمي قال. Donc أبي مدينة المادي الدارمي qui avait dit كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر وصححه العلامة الألباني في صحيحه. Ça c'est un point important. C'est-à-dire qu'il a été rapporté par l'imam al-Tabarani une narration qu'il rapporte de Abi Medina al-Darimi qui disait que lorsque deux hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils se rencontraient, ils ne se séparaient pas tant que l'un des deux, sans que l'un des deux ne récite à l'autre la sourate al-Asr. La sourate al-Asr. Puis l'un des deux passait le salam à l'autre. Et cette narration a été authentifiée et elle est considérée comme étant authentique par Cheikh al-Albani dans son célèbre livre Al-Sahiha, qu'on surnomme Al-Sahiha. Taïb. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah aborde les caractéristiques des gens yani, qu'il a décrit, c'est-à-dire les gens qui sont sur la prédication avec science et clairvoyance. Il dit simatuhum, c'est-à-dire leurs signes distinctifs, leurs caractéristiques. Al-rifqu fi mawdi'ih, ils sont doux à son endroit, lorsque la douceur est à son bon endroit. Wal-quwwa fi mawdi'iha, et ils font l'usage de la force lorsque ceci est à son juste endroit. فهم يتميزون بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وهذا واضح في سيرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى. Donc il a expliqué que il se caractérise par le fait d'appeler Allah avec al-hikma et avec la bonne exhortation et avec le débat accompli de la meilleure des manières, et ceci est clairement apparent lors de la consultation. Yani, si on consulterait les biographies des Sahaba, radiallahu anhum ajma'in, et des Tabi'in, et de ceux qui leur ont succédé parmi les imams de la guidance. Taïb, ya ma cheikh, ouvre le micro, l'eau, samart. Jazakallah khair. Taïb, maintenant j'ai une question. On avait vu le hikmah. Cheikh Ubayd al-Jabri, il avait dit, donc al-rifq. Al-rifq, c'est la douceur, taïb. Ensuite, il avait dit que donc il se distingue par le fait qu'ils appellent avec al-hikmah. Et on avait vu que dans les 9 caractéristiques du Da'i, il doit avoir la hikmah. On avait vu la définition de Cheikh Ubayd, la définition de Cheikh Mohamed Aman al-Jami, la définition de Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim. Quelle est la définition de la hikmah, de la sagesse selon Cheikh Ubayd al-Jabri? C'est une question. Surtout, ne vous bousculez pas. Un seul à la fois, chacun son tour. Allez-y doucement. Levez pas tous la main. نعم تفضل يا أبا جنيد. طيب، هذا هو تعريف شيخ عبيد. mettre chaque chose à sa place. أحسنت. جزاك الله خيرا. طيب، est-ce que peut-être tu pourras aider encore tes frères en donnant la définition de Cheikh Mohamed Aman al-Jami? Vas-y, continue. Il y a quelque chose avant. Ala al-wajh ma yanbaghi. C'est-à-dire, il y a l'acte approprié accompli de la manière appropriée au moment approprié. Ça, c'est la définition de Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim. Na'am. Barakallahu fik. Et la définition de Cheikh Mohamed Aman al-Jami, c'était une définition par l'exemple. C'est-à-dire, pour expliquer la sagesse, c'était wad'u al-lini fi mawdi'ihi wa wad'u al-shiddati fi mawdi'iha. Le fait de mettre la douceur à sa place et de mettre la dureté à sa place. Na'am. والموعظة الحسنة الموعظة الحسنة شيخ عبيد الجبري ليس ميكرو غير je te dirai qu'on le ferme inchallah. J'en ai pas fini avec eux. الله يحفظكم جميعا يا اخو. طيب donc والموعظة الحسنة la bonne exhortation, le bon rappel. طيب on avait vu que c'était un juste milieu entre deux choses, entre deux procédés. Qui peut me rappeler ces deux procédés en arabe ou en français à la base? Les deux procédés constituant de la bonne exhortation. Ahsant, barakallahu fik, Abu Junayd. Naam. Yani at-targhib, c'est le frère de c'est Rachid, mashallah, jazakallah khairan. Tayyib, naam. Donc c'est at-targhib, donc qui consiste à inciter, à motiver quant à l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire de susciter faire les causes pour qu'il y ait dans le cœur de la personne ar-raghba, le désir quant à l'obéissance, et at-tarhib, le fait d'être une cause pour susciter dans le cœur du serviteur, d'être une cause pour que dans le cœur du serviteur il y ait al-rahba, la frayeur, l'effroi. C'est-à-dire dans le sens de dissuader quant à l'accomplissement de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ubayd al-Jabiri avait dit wal-mujadalati billati hi ahsan, donc le débat accompli de la meilleure manière. Taïb, on finit cette partage, tu peux fermer le micro. Barakallahu fik. Taïb, ensuite on en vient à la parole de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, rahimahullah. Qala al-musannifu, donc l'auteur a dit, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Wa qala al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et donc l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde, a dit, bab, là c'est un passage de son sahih. C'est dans Sahih al-Bukhari, dans Kitab al-Ilm, il y a un chapitre qui est chapitre bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. C'est-à-dire le chapitre relatif au fait que la science précède la parole et l'action. Et il mentionne le dalil, c'est-à-dire wa dalil au qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbik. C'est-à-dire, et sache qu'il n'y a ni divinité ni être adoré si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. Fabada, et donc l'imam al-Bukhari, après avoir mis cette en tête de chapitre et avoir mentionné le verset, il a commenté en disant fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Il a commencé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dans ce passage du Coran, a commencé par la mention de la science avant d'aborder la parole et l'action. Taïb. Ça, c'est le passage du Sahih al-Bukhari qui a été rapporté dans Thalathat al-Usul. Maintenant, venons-en à la parole de Cheikh Ubayd al-Jabari, rahimahullah, dans son explication. Il dit Babun at-taqdir hadha bab. C'est-à-dire que lorsqu'on dit en arabe bab, il y a un takdir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est sous-entendu, qui est caché. C'est comme si on disait hadha babun. Ceci est un chapitre. Il dit donc al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science précède la parole et l'action. Et ça, c'est un point important. Il dit qabla an yad'u yajib 'alayhi an yata'allama din Allah alladhi yad'u ilayhi. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de nos frères, parmi ceux qui veulent faire des efforts dans l'enseignement de l'islam et la transmission de l'islam, n'ont pas compris. C'est-à-dire avant de prêcher, il lui incombe obligatoirement de s'instruire quant à la religion d'Allah à laquelle il appelle. Et comme il y a un proverbe sage qui disait chez les Arabes, فَاقِدُ شَيْءٍ لَا يُعْطِيهِ. C'est-à-dire celui qui est dépourvu d'une chose, il ne peut pas la donner à autrui. Allahu musta'an. Donc, وَهُنَا نَقُولُ, et ici nous disons, إِنَّ الدُّعَى وَأَوَى الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الدَّعْوَةِ ثَلَثَةُ أَصْنَافٍ. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabari, rahimahullah, il mentionne que les prédicateurs, ou ceux qui sont affiliés, yani qui sont affiliés à la prédication, donc affiliés à cet exercice, sont de trois catégories. Donc, on va avoir trois catégories de gens qui interviennent dans le domaine de la prédication, de l'appel à Allah. Il dit, al-sinf al-awwal, la première catégorie, hum ahlul basira. Ce sont les gens de clairvoyance. Ce sont les gens de clairvoyance. Et il explique qu'est-ce que c'est voulu par la al-basira, par la clairvoyance. Et al-fiqh fi dinillah, c'est-à-dire qui ont de la compréhension, de la science, de la connaissance dans la religion d'Allah. Wad-da'wah ilayhi bil-hikmah wal-maw'izah al-hasanah wal-hujaj wal-barahin wa ha'ula hum ashadun nas wa hum alladhina athna Allah 'alayhim fi qawlihi li nabiyyihi sallallahu 'alayhi wa sallam qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani al-aya dans sourate Yusuf. Donc ce sont les gens qui ont de la clairvoyance, c'est-à-dire qui ont de la connaissance, de la compréhension dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui font donc la da'wa, ils appellent à Allah, ils enseignent l'islam avec sagesse, avec la bonne exhortation, bil hujaj, avec les preuves, wal barahin, avec les arguments. Wa ha'ula hum as'adun nas, ce sont les gens les plus heureux, car ils sont sur la vérité. Ce sont donc les gens les plus heureux. Wa hum alladhina athna Allahu 'alayhim fi qawlihi. Donc ce sont ceux à l'égard desquels Allah a fait un éloge lorsqu'il s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Qul » dit, c'est-à-dire « Ô Mohammed, hadhihi sabili, ceci est ma voie, ad'u ila Allah, j'appelle à Allah, ala basira, sur une clairvoyance, c'est-à-dire sur une science, ana wa man ittaba'ani. » J'ouvre ici une parenthèse. Ce verset-là est très important. Il est très important parce que justement on a des frères qui se revendiquent de la prédication et qui disent on veut faire l'effort des prophètes. On veut revivifier l'effort des prophètes, on veut appeler les gens à faire la prière, on veut appeler les gens à l'islam, à la pratique de l'islam. Mais ils ne se sont pas instruits. Ils disent on sort et on apprend en même temps. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. En effet, ce verset-là est une réfutation à leur encontre. En effet, il est dit, selon la traduction approximative du sens du verset en français, dit, ceci est ma voix. La voix de qui? De Mohammed. Donc, j'appelle à Allah, à la basira. Taï basira, qu'est-ce que ça veut dire? L'imam At-Tabari, rahimahullah, dans son tafsir, avait dit que c'était, et en el-basira, dans le sens, c'était l'ilm. Taï, mais l'ilm de quoi? La connaissance de quoi? Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, dans son Qawl al-Mufid, qui est son explication de Kitab al-Tawhid, avait expliqué que ça revenait à la connaissance de trois choses, essentiellement. La science de la religion de l'islam, et je paraphrase, je synthétise les propos de Cheikh, donc c'est la connaissance de l'islam, la connaissance des modalités du prêche, et la connaissance quant à la situation de celui à qui tu adresses ce prêche, c'est-à-dire hal al-mad'u. C'est-à-dire que tu connaisses la situation de la personne à qui tu t'adresses. Parce que la manière dont les sujets que tu vas aborder, la manière avec laquelle tu vas t'y prendre, va différer selon le cas de la personne à qui tu adresses ton prêche. Par exemple, si tu t'adresses à un athée, tu vas avoir un processus différent de si tu parles avec un chrétien. Ou si tu parles avec un innovateur. Parmi le nombre de gens qui sont des musulmans, maintenant. Donc le processus va être différent, le procédé va être différent. Selon la situation de celui à qui tu adresses ton prêche. Non. Et justement, certains, parmi les gens qui sont du nombre de gens de l'innovation qui prêchent d'une manière incohérente et non conforme à la voie et la méthodologie du prophète sallam, ils disent oui, mais nous on est des ignorants, on sort pour apprendre. Et ils sortent, ils font la da'wa et ils disent ils vont apprendre en même temps. C'est pas comme ça. Le prophète sallam, il est dit, Hadihi sabili, ceci est ma voie. J'appelle à Allah. Sur une clairvoyance, avec science. Mais certains pourraient dire, ouais, mais ça c'est Rasulullah. Nous, on n'est pas concernés. Non, la suite du verset les réfute. Ana wa mani taba'ani. Moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc on se doit d'appeler avec science. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé avec science. Non. Donc ça, c'est la première catégorie des prêcheurs, de ceux qui s'affilient au domaine de la prédication. Ce sont Ahlul Basira, c'est-à-dire les gens qui ont de la science, les gens qui ont de la clairvoyance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, à Thani, du'atul jahl, c'est-à-dire les prédicateurs de l'ignorance, les prédicateurs qui sont ignorants, justement. Wa hum alladhina yatasaddaruna mayadin ad-da'wa wa la fiqha 'indahum fi dinillah aw 'indahum fiqh la yu'ahhiluhum. Yani, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se mettent en avant dans le domaine de la da'wa, mais ils n'ont pas de compréhension dans la religion d'Allah, ou ils ont un peu de science, ils ont de la compréhension, un petit peu, mais pas un degré suffisant les qualifiant et les rendant qualifiés pour cela. Wahahula yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Ces gens-là sèment la corruption sur terre et ne sont pas des réformateurs. Wahum fil haqiqa sullamun li ahli al-ahwa. Et en vérité, ces gens-là sont une échelle pour les gens des passions. C'est-à-dire que les gens des passions les utilisent dans leur stratégie, pardon, dans leur stratagème à l'encontre des gens de l'islam, notamment. Entre autres. La troisième catégorie, donc la première catégorie, ce sont ceux qui sont des prédicateurs qui appellent avec science. Les deuxièmes, ce sont les ignorants. Les prédicateurs qui sont ignorants. Troisième, du'atul fitna. Du'atul fitna, pardon, excusez-moi, au singulier. Du'atul fitna, wa dalal, du'atul inhiraf. Donc ce sont des prédicateurs qui appellent au trouble. Et il y en a qui appellent au trouble et à l'égarement. Et ce sont des gens qui appellent à la déviance, à la déviation, à l'égarement. Et là, Cheikh Obeid al-Jabri, il va aborder justement une des premières sectes qui a émané dans le sujet de la da'wa, qui a commencé à appeler à l'islam et que c'était une secte déviante. Donc parmi les premières sectes déviantes qui se sont immiscées et qui se sont insérées et qui ont investi ce domaine-là, le domaine de la prédication et le domaine de la da'wa, c'est Hum al-Saba'iyya, c'est-à-dire Ashabu Abdillah ibn Saba, al-Yahudi al-Yamani alladhi aslama nifaqa. C'est-à-dire donc ceux qui étaient des adeptes. Les Saba'iyya, ce sont donc les suiveurs de Abdullah ibn Sabah, qui était un Yahoudi al-Yémeni, qui était d'origine yéménite, qui s'est converti hypocritement. Non. Donc, fa'awwalu hadath, ahdathuh, fi l'islam, tahridu an-nas ala amir al-mu'minin, wa thalithu al-khulafa al-rashidin, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, hatta qataluh. Donc le premier incident qui a émané de leur part, c'est leur incitation quant à la révolte. C'est-à-dire le fait qu'ils ont monté le peuple contre l'émir des croyants, c'est-à-dire le dirigeant de la communauté musulmane à son époque. Parce que comme vous le savez, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, celui qui a pris le pouvoir sur les musulmans, de par la transmission du pouvoir de par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Puis, suite à son décès, Omar ibn Khattab. Puis, lorsque Omar ibn Khattab, après avoir été victime d'une tentative d'assassinat qui a été fructueuse malheureusement, Yanni justement qui a porté fruit, entre guillemets, qui a mené à sa mort, plutôt on va dire ça comme ça, ce serait plus approprié, Allahu A'lam. Donc, par Abu Lu'lu'l Majusi, alayhi min Allahi ma yastahiq, que lui advienne de la part d'Allah ce qu'il mérite. Et donc justement, lorsqu'il était en train d'agoniser, radiallahu anhu, justement, il a donné l'ordre que parmi les 6 membres du comité de consultation soit désigné celui qui sera l'émir des croyants après lui. Et ce fut Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, qui fut désigné. Et donc Uthman ibn Affan, durant son époque, durant son califat, radiallahu anhu, il y a eu donc le mouvement instigé par Abdullah ibn Sabah, qui était un mouvement dans lequel il montait les gens contre Uthman ibn Affan. Et son mouvement a mené à la mort de Uthman ibn Affan. Naam tahrir wa tahyij hatta qutila al-khalifa. Donc c'est, en fait, ils ont monté les gens, ils ont incité à son encontre, jusqu'à ce que le calife, l'émir des croyants, radiallahu anhu, fut assassiné. Donc, ha'hula hum ay as-saba'iyya salafu al-thawriyin ila al-yawm. Ce sont ces gens-là, ce groupuscule qui sont les adeptes de Abdullah ibn Sabah, ce sont les ancêtres des révolutionnaires, c'est-à-dire ceux qui appellent aux révolutions à notre époque. لأن من أصول أهل السنة والجماعة اجتماع الكلمة على من والاه الله أمر المسلمين. Et fait partie des fondements des adeptes de la sunna et du groupe le fait de rester unis, et de rester unis autour de l'obéissance de celui à qui Allah a donné l'autorité sur les musulmans. De ne pas se diviser, de ne pas se disputer à ces sujets-là. Et d'écouter, d'obéir, bien entendu, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à celui qui détient l'autorité sur nous parmi les musulmans. نعم عدم الشق العصا وعدم التفريق الكلمة عدم التفريق الكلمة. Donc le fait qu'on ne doit pas briser le bâton d'autorité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas bouleverser l'autorité du gouverneur musulman, et on ne doit pas créer un tumulte et créer des discours qui sèment la division. Et Cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah mentionne فالثوريون من بني جلدتنا أخذوا هذا الجانب عن السبئيين. C'est-à-dire que donc nos enfants parmi nous, les enfants de notre peuple, certains d'entre eux ont pris cet aspect-là parmi les gens de notre peuple qui sont des révolutionnaires, ils ont pris cela des adeptes d'Abdullah ibn Sabah. Naam. Et ils ont introduit de nombreuses choses dans l'islam. Parmi eux, parmi ces exactions et ces méfaits qu'ils ont introduits en islam, az-zandaqa, l'hérésie, wa rafd. Al-Rafd, bon, pour une petite parenthèse, parce que Cheikh Ubayd al-Jabiri n'en a pas détaillé, donc Al-Rafd, c'est la voix des Rafidah. La voix des Rafidah, d'où vient le mot Rafd? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme il est rapporté dans Minhaj al-Sunnah, avait expliqué que le descendant de Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il est venu pour qu'on lui prête allégeance, c'était l'arrière-petit-fils ou l'arrière-arrière-petit-fils de Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Ali, rahimahullah. Lorsqu'il s'est rendu en Irak pour qu'on lui prête allégeance, les gens de l'Irak lui ont demandé qu'est-ce qu'il disait sur Abu Bakr et Omar. Et étant sur la sunna de son ancêtre, à savoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a affirmé l'amour et la filiation, et il a invoqué en faveur de Abu Bakr et Omar. C'est-à-dire qu'il ne les a pas rejetés, il ne s'est pas désavoué de eux. Il a parlé en bien de eux, il a fait doua pour eux. Et donc les gens de l'Irak l'ont rejeté. Et il leur a dit « Rafattumuni, Rafattumuni », c'est-à-dire « Vous m'avez rejeté ». Donc de cette anecdote, aurait été tirée l'appellation des Rafidah, des Rawafid. Ça c'est une explication, une faïda que je rajoute de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dans Minhaj al-Sunnah. Et donc les Rafidah, ce sont ceux qui ont comme caractéristique le fait de porter atteinte aux sahaba, aux nobles compagnons. Ils ont de l'excès dans leur haine viscérale à l'encontre des sahaba, alors que les sahaba, on ne doit les mentionner que de la bonne manière, comme l'imam Abu Ja'far al-Tahawi dans son livre Aqidat al-Tahawi avait dit, yani concernant les gens de fadl, et à leur tête, yani il y a les sahaba, وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُّ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ سَبِيلٍ. Alors, quiconque les mentionna de manière péjorative, il y en a d'une mauvaise manière, alors il n'est pas sur la voie, c'est-à-dire sur la voie de la vérité. Non. Et donc, les sahaba, on doit parler de eux et on doit avoir les meilleures des paroles à leur égard. Radiallahu anhum ajma'in. Et on doit avoir un cœur pur à leur égard, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir d'animosité en nous-mêmes à leur rencontre. Et on doit avoir des langues pures vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire nos langues ne doivent pas proférer de propos injurieux et inappropriés à leur rencontre. Et les rafidats sont tout le contraire de ça. Les rafidats sont tout le contraire de ça. Ils ont de l'excès dans l'amour qu'ils vouent aux membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point d'en diviniser certains, en leur accordant des attributs divins. Et ils se sont égarés également dans le sujet des sahaba, les détestant d'une haine qui n'a pas sa place, quelle qu'en soit sa forme. Voilà, ayyadu billah. Non, je ferme ici cette parenthèse. Et la deuxième firqa, la deuxième secte que Cheikh Obeid Al-Jabiri a mentionné, هم الخوارج الحرورية. Qui sont les Khawarij? Qui sont les Khawarij? Les Khawarij, comme nous a enseigné notre cher yani Mohamed Al-Umari, Al-Yamani, hafidhahullah, qui est un des professeurs dans le Merkez Ibn Al-Qayyim, il avait expliqué que les Khawarij, parmi yani, ils ont différents noms. Ils ont beaucoup de noms. Taïb. Et ça, ce sont des noms qu'on étudiera, il y en a peut-être dans le cours prochain, inshallah ta'ala. Parce que justement, on abordera leur égarement concernant le sujet des kébères. Donc je vous rapporterai à ce moment-là des favorites que j'ai prises de mon cher, yani Cheikh Mohamed ibn Ghalib al-Umari al-Yamani, hafidhahullah, qui enseigne au Merkez. Et il a fait une très bonne yani, présentation des khawarij. Et on le fera dans le cours de la semaine prochaine, inshallah. Mais donc, en résumé, les khawarij, ce qui doit être retenu, c'est que le nom Khawarij, ça vient de deux sens principaux qui reviennent dans les paroles des ulémas. C'est soit parce qu'ils ont fait le khuruj dans le sens Kharaju an fahmi salaf, ils ont dévié de la compréhension des plus prédécesseurs, ou soit c'est dans le sens par rapport au khuruj ala al-hakim, c'est-à-dire ala ulat al-umur. Dans le sens, ils sont sortis, ils se sont révoltés, et ils ont accompli la rébellion à l'encontre du détenteur de l'autorité, ou des détenteurs de l'autorité. Et entre parenthèses, il a été mentionné Al-Haruriya. Al-Haruriya, c'est un de leurs noms. Et on verra leurs autres noms, Inch'Allah, dans le cours de la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc Al-Haruriya, ça fait référence au fait que c'était des gens qui avaient conquis une ville. Ils avaient conquis une ville, qu'ils avaient sous leur autorité, et ils l'avaient conquis, et ils y résidaient. Et donc, par rapport à l'affiliation à cette ville, on appelait les gens qui étaient là-bas des Harurites. Al-Haruriya. Et donc, Cheikh Obeid Al-Jabiri explique qui ils sont. Donc les Haruriyya, c'est « الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصحاب النهروان ». Ce sont donc ceux qui se sont révoltés contre Ali ibn Abi Talib, et ce sont les gens de Nahrawan. Nahrawan, qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'une bataille. C'est le nom d'une bataille qui a eu lieu entre Ali ibn Abi Talib, qui était alors le gouverneur des musulmans, qui a yani, exterminé les Khawarij. Les Khawarij, qui les a exterminés. Et ça, c'est le devoir des musulmans. Et à notre époque, il y a eu la même chose avec les descendants des Khawarij, la secte extrémiste terroriste déviante qu'on appelle Daesh, ou Al-Qaïda, ou Al-Nusra. Ces groupuscules terroristes extrémistes ont été combattus par les États musulmans. Fajazahumullahu anil muslimina khairan. Qu'Allah les rétribue yani en bien de par ce qu'ils ont fait en protection et en service pour les musulmans, en essayant de s'opposer à ces groupes terroristes. Naam. Donc Ali ibn Abi Talib, il a combattu. Il y en a des Khawarij à Nahrawan. Et deux ou trois ont survécu. Et c'est par ces gens-là qui ont survécu que la fikra, l'idéologie des Khawarij, a subsisté et a persisté dans la dunya. Wahum al-takfiriyoun. Ce sont les takfiriyoun, les takfiri. Les takfiriyoun, c'est-à-dire ceux qui ont de l'exagération dans le sujet du takfir. J'ouvre ici une parenthèse pour clarifier le terme, pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Le tekfir, c'est le fait de déclarer la mécréance d'un individu. C'est-à-dire de dire que quelqu'un, il est kèvre. Soit, par exemple, une personne, elle est mécréante de base, c'est-à-dire que dans le sens où cette personne ne s'affilie pas à l'islam, elle est née sur la fitra, mais ses parents en ont fait un chrétien, par l'éducation qu'ils lui ont octroyée, ils en ont fait un chrétien, ou un juif, ou un athée, ou un... Il y en a ce que vous voulez, parmi les religions mécréantes. Mais il y a également les gens on déclare comme étant apostats. C'est-à-dire des gens qui étaient du nombre des musulmans et qui ont apostasié, qui ont accompli ce qu'on appelle la ridda. Devenant, donc, celui qui se rend coupable de cela devient un murtad, un apostat. Et donc, justement, les tekfiriyoun, ce sont ceux qui ont de l'exagération dans ce sujet-là, rendant mécréants pour des choses qui ne rendent pas mécréants. Parce que le tekfir, c'est quelque chose qui revient à Allah et à son messager. C'est-à-dire que ce que Allah a décrit, ou ce que le messager d'Allah a décrit comme étant des mécréants, ou que les actes ou les propos qui ont été décrits par Allah et ou son messager, alayhi salatu wasalam, comme étant de la mécréance, ont statut de la mécréance de celui qui les dit ou qui les profère, etc., si les conditions sont respectées à son sujet. Mais les tekfiriyoun ont eu du relou, ils ont eu de l'exagération, ils ont outrepassé les limites, légiféré dans ce sujet-là. Et justement, Cheikh Obed Al-Jabri dit Dallou wa Adallou. Ils se sont égarés et ils ont égaré autrui. C'est-à-dire qu'ils ont été la cause de l'égarement d'autrui. Kaffaru usat al-muwahidin wa fusaq al-muslimin bil kaba'ir. Donc, ça, c'est un de leurs égarements et c'est leur égarement le plus célèbre dans le sujet du takfir. C'est le fait qu'ils ont déclaré la mécréance des désobéissants parmi les adeptes du tawhid, c'est-à-dire des musulmans qui font des grands péchés. Ou fusaq al-muslimin bil kaba'ir, c'est-à-dire des grands désobéissants parmi les musulmans, ils les ont déclarés mécréants par rapport à l'accomplissement des kaba'ir. Et le sujet des kaba'ir, lorsque Cheikh Obed détaillera un peu plus ça, on abordera un peu plus de tafsir. Et sachant qu'on avait fait une daura, on avait fait un séminaire à Montpellier, dans la même salle dans laquelle vous vous trouvez, et dans laquelle on avait expliqué la différence entre le grand péché et le petit péché, comment on distingue le grand péché, comment on le reconnaît dans les textes de la révélation. Taïb. Ensuite, il est Cheikh Obeid Al-Jabri dit, et on arrive à la fin de notre cours, Inch'Allah, un peu de patience, barakallahu fikum. Donc, c'est-à-dire que concernant ce sujet-là, le sujet du tekfir pour les kabir, Cheikh Obeid Al-Jabri a expliqué qu'il va venir une clarification détaillée, un détail plus approfondi par la suite. Inch'Allah ta'ala. Fahadi asnaful muntasibin ila da'wa, thalathatu asnaf. Donc, c'est les catégories de gens qui sont affiliés à la prédication sont de trois catégories. Donc, qui peut me les rappeler? Ouvre le micro, l'Osama. Sans regarder vos notes. Les trois catégories de gens qui sont affiliés à la prédication. On avait mentionné trois catégories. Vous n'étiez pas prêts, hein? Vous ne vous attendez pas. Ahlul Basira, les gens qui prêchent avec la science. Taïb, ça fait un. Ensuite? Taïb, du'atul jahl, taïb, ahsant. Ceux qui n'ont qui ont pas de science ou qui ont un peu de science, mais pas suffisamment pour être qualifiés à ça. Naam, ensuite, troisième catégorie. Ceux qui sont de l'égarement des innovations. Taïb, ahsant, barakallahu fik, ya Ibrahim. Ahsan Allahu ilayk. Naam, c'est ça. Ahsan Allahu ilayk. Et Cheikh Obeid Al-Jabri, rahimahullah, mentionne, wa as'aduhum, et les plus heureux parmi eux, ce sont donc ceux qui sont sur la vérité. Ce sont ceux de la première catégorie, du'atul basira, wal bayyina, wal fiqh, fi dinillah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Et donc, ce sont ceux qui sont des prédicateurs qui appellent avec clairvoyance, avec la preuve, avec la compréhension et la connaissance de la religion d'Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque à l'égard duquel Allah aura voulu du bien, il lui donne de la compréhension dans la religion. Et le hadith est dans le sahih de l'imam al-Bukhari et de le sahih de l'imam muslim. Et je vous donne juste une dernière faïda pour conclure cette assise, concernant ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa, c'est-à-dire, il y en a le fait que dans ce hadith-là, il y a la compréhension inversée également. C'est-à-dire que quiconque à l'égard duquel Allah aura voulu du bien, il lui donne de la compréhension dans la religion. Mais celui à l'égard duquel Allah n'aura pas voulu du bien, alors il ne donne pas dans la compréhension dans la religion. Et cette interprétation de ce hadith dans ce sens-là est l'interprétation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de Cheikh Abdelaziz ibn Abdallah ibn Baz. Rahimahumullah. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le cours de Aqidah. Et rendez-vous mercredi, bi-idhnillahi azawajal, pour le cours de Fiqh sur Amdat al-Fiqh, qu'on poursuivra dans Kitab al-Tahara, bi-idhnillahi azawajal.